nuage après nuage, le ciel se voile. La grisaille s'installe sur la capitale. Bientôt le ciel s'assombrit pour accueillir les premières gouttes de pluie. Dans les rues pavées se pressent les marmots, faisant la chasse aux flaques d'eau. Sous les yeux amusés des passants qui aiment à regarder ces jeux d'enfants. Goutte, goutte sur le bord de mes lèvres, coule, coule, ruisselle dans mes veines, des entrailles de la terre jusqu'à celle de l'être. Chemin mystérieux qu'est celui de l'air bleu. Par surprise, s'affole et se presse. C'est la valse des parapluies qui habilement font face à l'averse, gardant ainsi leur hôte à l'abri. Mais pendant ce temps, pour les moins chanceux, la pluie perle le long des cheveux. On cherche refuge désormais où l'on peut. Voudriez-vous partager ce parapluie à deux? Goutte, goutte sur le bord de mes lèvres, coule, coule, ruisselle dans mes veines, des entrailles de la terre jusqu'à celle de l'être. Chemin mystérieux qu'est celui de l'air bleu. Leur trop plein de mégots, entre deux, trois gouttes d'eau, les toits fredonnent sous la pluie qui ruisselle, puis dégringole le long des gouttières. J'observe de mes yeux, grand ouvert, ce spectacle que personne ne voit. Je suis trempé de la tête aux pieds, mais peu importe, l'hiver, ça sert à ça. Celle dans mes veines, des entrailles de la terre jusqu'à celle de l'être. Chemin mystérieux qu'est celui de